boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Raise our hands for a moment. Leave it all behind. Don't be afraid for a moment. Blind leading the blind. Pop and Rock version 140 commence avec des potes de Londres avec un titre que nous connaissions déjà mais qui vient de ressortir sous la forme d'un EP 6 titres Live Tour. C'était donc Mumford & Sons qui profite de cet EP pour rendre hommage à Johnny Cash avec le titre Hurt, tiré du dernier disque des londoniens à la culture américaine. Hurt de Johnny Cash, repris en live par Mumford & Sons, c'est tout de suite dans Pop and Rock sur le 104.6 sur One et sa région. I hurt myself today to see if I still feel. I focused on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar stain. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. And everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. And I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chest, full of broken thoughts that I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, and I am still right here. What have I? Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. And I will let you down, and I will make you hurt. And if I could start again a million miles away, and I would keep myself, and I would find a way, avez aimé cette reprise, allez gratter dans la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock, vous y trouverez la version originale chantée par Johnny Cash, pape du rock américain. Mais reprenons le fil de notre Pop and Rock qui, comme chaque semaine, essaye de vous trouver quelques nouveautés et nous commençons tout de suite par King of Leon. Dancing. Rock'n'Folk, magazine qui m'accompagne pour ma programmation, évoque pour King of Leon un groupe méconnu en France, en soufflant un peu le froid et le chaud, comparaison étonnante avec U2, plus critique sur la voix nasillarde de Caleb, un des deux frères Flowheel. Perso, j'ai écouté l'album et si rien ne m'a transcendé, je me suis surpris à dodeliner de la tête et c'est déjà pas si mal. On file donc vers un deuxième titre des King of Leon, The Bandit. Si vous écoutez Pop and Rock de temps en temps sur RVR, vous apprendrez que j'aime gratter et chercher sur la toile nettilienne et que parfois j'y trouve des groupes que j'aime. C'est le cas ce soir des Fontaines DC qui reprennent un de mes titres préférés des Pixies, Guard Your Way. We'll be right back. can gouge away, stay all day if you want to. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore ces reprises qui tiennent largement le niveau des titres originaux. Alors du coup, on va s'offrir le Wonderwall de Oasis, mais repris par un des nombreux enfants terribles du rock américain, le dénommé Ryan Adams. Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe in anybody that feels the way I do about you now. Backbeat to what is on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before, you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk winding, and all the lights that lead the way are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Today was gonna be the day they'll never bring it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. and all the roads we have to walk winding, and all the lights that lead the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. And after all, you're my one. Ryan Adams, je suis tombé sur cette reprise car l'ex des Cardinals, volant depuis longtemps loin des bures pourpres, a sorti en juin dernier Big Colors, riche de 12 titres, un bel album à écouter, album écrit par un des fils spirituels de Neil Young et Bob Dylan, dit-on. Ryan Adams, avec le titre éponyme de l'album, Big Colors. première et peut-être dernière triplette du soir, c'était donc Ryan Adams, pour lequel je vous ai proposé trois titres doux, mais qui est capable dans son dernier album de fulgurance plus rock comme le titre Power ou encore Summer Rain, que nous écouterons peut-être dans de prochains Pop & Rock. Oh, le morceau qui me fout le plus de frissons actuellement, c'était donc à l'instant Dan Warbach avec ses Black Keys. Le titre, c'était Little Black Submarines. Parfaite introduction avant de vous présenter le nouvel album des Underground Yaoi. Whether a stray or witch or submerged underwater, hearts will find you there in numbs this form of torture. For I can always find you in my dreams, where you are mine, Egyptian. Underground Yaoi, que peut-être vous connaissiez il y a quelques années, mais pas sûr que vous ayez reconnu, parce que pour cet album, Craig Dyer, le chanteur, a dû se faire greffer une troisième voix, comme l'explique avec humour Rock'n'Folk. Parce qu'avant, quand Craig chantait, ça ressemblait plutôt au Brian Johnston Massacre qu'à Nick Cave. La preuve dans un vieux titre, Mademoiselle. Time I'm free, free.

Et oui, quand j'écoute le nouvel album des potes de Craig Dyer, je pense à Johnny Cash, à Nick Cave, mais également au défunt Roland S. Howard. This was a pop crime. Thank you. This one is straight from me to you. Hit, hit. Hit, hit. Let me hear you. One more time. When you're on a holiday, can't find the words to say all the things that come to you, and I wanna feel it too. On an island in the sun, we'll be playing and having fun. It makes me feel so fine, I can't control my brain. We'll never feel bad anymore. Allez, il nous reste à peine 3 minutes avant de vous quitter. Dans ce cas-là, moi j'ai un joker, il s'appelle Bob Mould. Et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. Oh,